Franchi n'a pas de fer. I fool you, 97. 97, listen. Si donne faut jeter quoi watte, oui faut jeter quoi watte. Assis qu'on enlève un watte, bâché enlève oh my god. Fais moi challenge un peu pot, fais ça pour ça t'as pas mes potes. Bouna trop bon, bon bouna trop bon, bon bouna trop bon, bon bouna trop bon, bon. Why? Bouna trop bon, bon. Why? Bouna trop bon, bon. Ma capacité depuis c'est l'amour mon ambassadeur. Criminel comme Saddam Hussein, je t'attrape, je te prends, je te fais toutes les scènes. Je ne suis pas à mon coup d'essai, chérie, je veux ma queue au milieu de tes seins. Ma tapoche. Le coup de grain du plaid, ça ne rigole pas, c'est trop bon sa mère. Il est déjà pas beau, il ose te tromper, j'ai un goût amer. Viens nous voir, on va te donner du beau bangala sous les cocotiers. Si on dit nous bord en goûter, ou bataille aller bon côté. Bon côté, tu m'entends, bon côté. Si on dit nous bord en goûter, ou bataille aller bon côté. T'inquiète pas, je suis pas possessif, j'ai pas le Covid, mais je suis positif. En tes bas, on volait si tu pouvais enlever tout ça, si enlève tous tes lèches. Ok, coupe au couteau yesh, ok, coupe au couteau yesh, ok, coupe au couteau chien, pas peut capote la pâte à coûter cher. Ça s'habillerait qu'on en pied biche. Parce que ça me fait yesh. Faut jeter qu'au watte. Faut jeter qu'au watte. Assis qu'on enlève un watte. Bâché enlève moi oh my god. Fais moi jalon j'ai un pépote. Fais ça qu'on s'accabre moi pote. Mouna trop bon bon. Mouna trop bon bon. Mouna trop bon bon. Mouna trop bon bon. Oui, mouna trop bon bon. Oui, il faut le dire. Ante baili weekend j'y sou lundi. Ante baili weekend j'y sou lundi. Bata moi femme là ça yodi. C'est moi qui ga. Fais la applaudi. Oui, fais la applaudi. L'homme en fout moi qu'on en sache bi. C'est pour ça m'en dit. Faut jeter qu'au watte. Faut jeter qu'au watte. Assis qu'on enlève un watte. Bâché enlève moi oh my god. Fais moi jalon j'ai un pépote.